thank you, children, for being there for Christ Jesus. Euch Kindern danken, für Christus Jesus da zu sein. Je vous remercie les enfants parce que vous êtes toujours là pour l'Éternel. You know, just like Jesus said, he said, genau wie Jesus gesagt hat, comme Jésus a dit, my father did not bring you, you cannot stay. Wenn mein Vater euch nicht gebracht hat, könnt ihr nicht bleiben. Jésus a dit que si mon père ne vous a pas emmené vers moi, vous ne pouvez pas rester. Because he takes his father to be here. Denn es braucht seinen Vater, um hier zu sein. Parce que pour être ici, pour rester ici, on a vraiment besoin de It takes the power of the Holy Ghost to choose Jesus. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, Jesus Christus. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. No, that same power. Okay, Sha, thank sorry. That same power that raised Jesus from the dead. Diese gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts. It takes that power. Es braucht diese Kraft, the truth, um an die Wahrheit zu what glauben. Christ called the truth. An das zu glauben, was Jesus Christus die Wahrheit nennt. On a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit pour croire à la vérité, ce que Jésus-Christ appelle vérité. I'm not saying what religion called the truth, but what Christ called the truth. Ich sage nicht das, was Religion die Wahrheit nennt, sondern das, was Christus Jesus die Wahrheit nennt. Amen. Je me dis pas ce que Jésus ce que la religion appelle la vérité, mais c'est que Jésus-Christ appelle vérité. It takes the power that raised Christ from the dead to believe Christ Jesus. Es braucht die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, um an Christus zu glauben. Tu as vraiment besoin de la puissance de qui a ressuscité Jésus-Christ des morts pour croire en Jésus-Christ lui-même. Thank you, children, family, for being there for Christ Jesus. Danke Familie, danke Kinder, dass ihr für Christus Jesus da seid. Je vous remercie les enfants, je vous remercie la famille de Jésus-Christ parce que vous êtes toujours là pour Jésus. I watch how you take care of this house. Ich sehe, wie ihr auf dieses Haus Acht gibt. Je vois comme vous prenez soin de la maison. The cleaning, the kitchen, the you know, the children make Sachen, things, everything. How you are, you know, you just see it as Christ. Walking for Christ. Wie ihr das alles als Christus seht und erkennt, dass ihr für Christus arbeitet. Je vous observe, je vois comment vous êtes en train d'arranger la maison, de faire des projets pour Jésus-Christ dans cette maison. Donc, vous êtes capable à le considérer comme votre maison, comme la maison du Christ, et vous le faisiez pour le Christ. And you never point finger and say, this is not doing this, this is not doing this. But you allow your focus to be Christ Jesus. Und ihr beschuldigt euch nicht einander, keine Arbeit zu tun und nichts zu machen, sondern ihr arbeitet gemeinsam und ihr beschwert euch nicht. Danke schön dafür. Et je suis aussi reconnaissante parce que vous ne vous accusez pas l'un vers l'autre et dire que oui, celle-là n'a pas fait, celui-ci, il n'a pas fait assez. Non, votre concentration c'est seulement vers l'Éternel et vous continuez. Even when one make mistake, we don't even see it as the world see it. You know, there is the way the world see mistake. We don't see mistake as the world see it. Are you getting it? We see it as Christ wants us to see it. We walk in love. What kind of love? Ein Fehler macht, sehen wir das nicht so, wie die Welt es sieht. Wir nehmen nicht so Anstoß, wie die Welt Anstoß nimmt. Wir machen es so wie Jesus es tut in seiner Liebe. Et même si on fait des fautes, mais nous on ne voit pas ça comme le monde le voit. Donc on le voit comme l'Éternel est en train de le voir, on se corrige dans l'amour. We never gather like them. Wir versammeln uns nicht so wie sie. Nous on n'est jamais en train de se rassembler comme eux. Our communication is never like them. Unsere Kommunikation ist nicht wie die von der Welt. Notre communication n'est jamais comme celle de ce monde. Our discussion is never like them. Unsere Unterhaltung ist nie wie die von der Welt. Notre discussion n'est jamais comme celui de ce monde. Everything is Christ. Alles ist Christus. Pour nous, il s'agit que du Christ. He said, the greatest among you should be your servant. Er sagt, der größte unter euch soll euer Diener sein. Il a dit que le plus grand entre vous sera un serviteur. Doit Praise être un serviteur. The Lord. Alléluia. Amen. Amen. Go to Matthew 23. Matthäus 23. On va lire Matthieu 23. Praise the Lord. Alléluia. Matthew 23, verset 11. Matthäus 23, verset 11. Matthieu 23, verset 11. So can you help us to read it? Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Praise the Lord. Amen. But he that is greatest among you shall be your servant. That's the kingdom of heaven system. Das ist das Königreich des Himmels. Das ist das System des Himmels. Matthieu 23:11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ça c'est le système du royaume des cieux. And that's why when you are there for one another, be grateful. Aussi, wenn ihr füreinander da seid, seid dankbar. Et c'est pour cela, quand vous êtes là, l'un pour l'autre, soyez vraiment reconnaissant. Amen. Amen. Whatever you are doing here, you are not doing it for man, but for Christ. Be grateful. Was immer ihr tut, tut ihr nicht für Menschen, sondern für Christus. Deswegen seid dankbar dafür. N'importe ce que vous êtes en train de faire ici, vous ne le faisiez pas pour l'être humain, vous le faisiez pour le Christ. Et c'est pour cela, soyez reconnaissant. Amen. Amen. Again, the greatest among you should serve others. Der Größte unter euch soll den anderen dienen. Donc le plus grand entre vous, parmi vous, doit servir les autres. He says it is a blessing to serve others. Er sagt, es ist ein Segen, andere zu dienen. Donc il veut dire que c'est une bénédiction d'être capable à servir les autres. It is a blessing to be the one cleaning the house of Christ. Es ist ein Segen, derjenige zu sein, der das Haus von Christus sauber macht. Donc c'est une bénédiction d'être la personne qui est en train d'arranger la maison du Christ. It is a blessing for being the one cooking for God's children. C'est un Segen, die Person zu sein, die für Kinder Gottes kocht. C'est une bénédiction de cuisiner pour les enfants de Dieu. It is a privilege to be there for Christ. C'est un privilège pour Kinder Gottes da sein. C'est vraiment un privilège d'être là pour les enfants de Dieu. I thank you, family. For being there for Christ Jesus. Dass ihr für Christus Jesus da seid. Je vous remercie, famille, parce que vous êtes toujours là pour le Christ. The same Christ that made us one family. Der gleiche Christus, der uns zu einer Familie gemacht hat in ihm. Le même Christ qui a fait de nous une famille en lui. We allow him to work. Wir lassen zu, dass er arbeitet. C'est nous, on lui permet de travailler à travers nous. Amen. If not, we can never be one. Sonst können wir niemals eins sein. Parce que sinon, on n'est pas capable d'être un. We will be like that of Ananias and Sapphira. Es wird sein wie bei Ananias und Sapphira. Somebody get it. Sinon, on sera comme Ananias et Sapphira. Praise the Lord. Hallelujah. I thank Jesus that we are not like that. Aber ich danke Jesus, wir nicht so sind. Mais je remercie l'Éternel parce que nous ne sommes pas comme eux. I don't know how many they were during that period and the gathering together of the believers. Ich weiß nicht, wie viele Leute sie damals waren in der Versammlung der Gläubigen. Je ne sais pas combien de personnes ils étaient là dans le rassemblement des enfants de Dieu. But one thing I know that they were one in Christ Jesus. Aber eins weiß ich, dass sie eins waren in Christus Jesus. Je ne sais pas combien de personnes ils étaient dans leur assemblée, mais je sais qu'ils étaient un en Christ. I don't want 1 million people. Ich will nicht 1 million Leute. Moi, je ne veux pas à des millions de personnes ici. I want us to be one in Christ Jesus. Ich will, dass wir eins sind in Christus Jesus. Even if we are 2, 3, or 4. Auch wenn wir nur 2, 3, or 4 sind. La seule chose que je veux est que on soit un en Christ, même si on n'est que 2 ou 3 personnes. Let's go to Acts 4, please. On va lire Actes des Apôtres 4. Praise the Lord. Amen. Acts 4 from verse 32. Apostelgeschichte 4 von 34. 32. Actes des Apôtres 4, verset 32. I love this ministry so much. Moi j'aime bien, j'adore cette église. Because this ministry always reminds me of here. Weil diese Gemeinde erinnert mich immer wieder an diese Stelle hier. Parce que cette église me rappelle toujours de ce passage biblique ici. Anytime I read here, I see this ministry. Wenn ich das lese, sehe ich diese Gemeinde. Chaque fois que je lis ce passage, je me rappelle de How cette many église. Ministries are this like just like this today? Wie viele Gemeinden sind heute so? Combien des églises sont comme ce passage? Amen. Living as a family of Christ. Die als Familie von Christus zusammenleben. Combien des églises vivent comme la famille du Christ. You see our churches today, it's not your business. So viele Gemeinden, da geht's jeder macht sein eigenes Ding. Si tu regardes beaucoup des églises aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. But here, your business is my business. Aber hier ist dein Business mein Business. Et mais ici, dans cette église, ton problème, c'est mon problème. And my business is your business. Und dein Problem ist mein Problem. Et mon problème, c'est ton problème. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 32. Verset 32 jusqu'à la fin. It says, and the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Neither said any of them that all through the things which he possessed was his own. But they had all things common. I love this. I wish all churches are like that today. La multitude des fidèles n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul n'appelait le sien ce qu'il possédait, mais tout était commun entre eux. J'aime bien ce passage. That who fight one, fight all. Wer einen bekämpft, bekämpft die, alle anderen auch. Donc, la personne qui combat une personne combat toutes les personnes. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus said this. He said, if you believe me, you believe my Father. Jesus sagt, wenn ihr an mich glaubt, glaubt ihr an meinen Vater. Jésus-Christ a dit que si vous me croyez, vous croyez aussi à mon Père. Praise the Lord. Hallelujah. You believe us, believe Christ Jesus. Wenn ihr uns glaubt, glaubt ihr Christus Jesus. Tout comme moi, je dis que si quelqu'un nous croit, croit aussi à Jésus-Christ. Who fight us, fight Christ Jesus. Wir uns bekämpft, bekämpft Christus Jesus. La personne qui nous combat, combat aussi Jésus-Christ. You know, Jesus said something very important concerning us. Jesus hat etwas sehr Wichtiges über uns gesagt. En Matthieu 18, Jésus-Christ a dit quelque chose de très important qui nous concerne. Go to Matthew 18. Matthieu 18. Amen. No, I don't pity those who fight us. J'ai mitleid mit den Menschen, die uns bekämpfen. Donc Matthieu 18, moi j'ai les gens qui ont des problèmes avec nous, c'est pitoyable. I don't care how many they are. Ça m'intéresse pas s'ils sont nombreux. They can never be more than the host of. Amen. Of angels in heaven. Du kannst niemals mehr sein als die Engel, die im Himmel sind. Mm. Les gens qui nous combattent ne peuvent jamais être plus nombreux que ceux qui sont avec nous, ceux qui sont en train de nous défendre. Praise the Lord. Alléluia. Matthew 18 from verse 4. Let's read from verse 4. Matthieu 18, verset 4. He said, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. The same, you know, he's talking about you and me. Donc il dit que celui qui sera humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Il parle de moi et toi. Verse 5. Verset 5. And so shall receive one such little child in my name. Receive me. Amen. Who receives you receive Jesus. Wer euch annimmt, nimmt Jesus an. Et celui qui reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, c'est moi qui le reçois. Donc la personne qui nous reçoit reçoit aussi l'Éternel. Amen. Amen. But they should receive you in Christ, in Christ's name. Aber sie sollen dich im Namen von Christus annehmen. Mais ces gens-là doivent te recevoir au nom de Jésus-Christ. So that it will be a blessing for them. Damit es ein Segen ist für sie. Pour que ce soit une bénédiction pour eux. If not, it will be all the other way for sonst them. Wird es andersrum sein für sie. Parce que sinon, ce serait un problème pour eux. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But how many will receive you because of Christ Jesus? Wie viele Leute nehmen dich an wegen Christus Jesus? Mais à ces jours ici, combien de personnes sont capables de te recevoir au nom de Jésus-Christ? Amen. Amen. Read it again. It says, whoso shall receive one such little child in my name, receive me in his name. Not just they're employing you as a worker for them. Amen. It must be in the name of Christ. Amen. But how many can do that? Und nicht nur, weil sie dich bei der Arbeit, weil sie dich eingestellt haben, sondern wie viele Leute können dich im Namen von Christus Jesus dann einstellen oder annehmen? Si on voit bien, il a dit que c'est lui qui reçoit en mon nom un petit enfant. Donc, ça doit être dans son nom. Pas seulement quelqu'un te reçoit parce que tu es une personne qui est gentille ou bien parce que tu travailles avec eux. Non, il doit te recevoir par le nom de, à travers le nom de Jésus-Christ. I thank the Lord for one of us, our mother, that is in Congo. Amen. Amen. How he received here in the name of Christ Jesus. Mm-hmm. How she received here in the name of Christ Jesus. Mm-hmm. Are you getting it? Ich danke dem Herrn auch für eine Mutter, die hier in der Gemeinde ist, die in Kongo lebt und Christus Jesus uns angenommen hat, wie also Jesus Christus angenommen hat und deswegen auch die Botschaft hier annimmt. Et je remercie l'Éternel pour une d'entre nous, une mère au Congo qui nous reçoit dans le nom de Jésus-Christ, qui nous accepte dans le nom de Jésus-Christ. You can see that she did not receive us to work for her. She received us because of Christ Jesus. Für sie zu arbeiten. That's what Jesus is talking about. Christus Jesus. La dame, elle nous a pas reçu parce qu'on travaille pour elle. Non, elle nous a reçu à travers Jésus-Christ parce que nous sommes du Christ. I also know that you know if people they receive you in the name of Job, it's still a blessing for them. Amen. There's still a blessing. It's like if you give to the poor, if you give to the poor, you will get, there's a reward. If you give to the prophet, there's a reward. If you, you know, all this, there are different rewards. Und dennoch weiß ich, dass es auch eine Belohnung dafür gibt, dass sie dich einfach nur fleischlich eingestellt haben an einem Job und dir diese Gunst zeigen. Dafür gibt es auch eine Belohnung. Ne? Mhm. Es gibt ja in der Bibel auch, wo steht, dass wer einen Prophet bekommt, annimmt, der kriegt auch einen Propheten Lohn sozusagen. Malgré, je sais aussi que même s'il te reçoit, même pas dans le nom de Jésus-Christ, seulement parce que tu es un enfant de Dieu, il y a aussi une bénédiction pour ces gens-là. Oui, je n'en disconviens pas. Example, Joseph. Ein Beispiel ist Joseph. Par exemple, Joseph. You know, Joseph, the master did not receive him because he belonged to God. Joseph wurde vom Meister nicht angenommen, weil er so gottesfürchtig ist und weil er zu Gott gehört. Joseph, par exemple, son maître là, lui avait reçu, pas parce qu'il appartenait à Dieu. You know, Genesis 39. You know, if you go there, you see that the Bible said, God bless this man, this master, because of Joseph. No, he did not receive Joseph as a man of God. But there was still a blessing. Gesegnet, obwohl er ihn jetzt nicht wegen Gott, nur wegen, also wegen Gott eingestellt hat, sondern einfach so sozusagen. Et cet homme-là, la Bible nous dit à Genèse 39 qu'il avait pris Joseph et il aimait aussi Joseph et Joseph travaillait pour lui, mais pas parce qu'il appartenait à l'Éternel, seulement parce que, oui, il aimait Joseph. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's go forward. Amen. In verse 5. In verset 5. Verset 5. He said, I will so shall receive one such little child in my name. Receive me. But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it will be better for him that a millstone will hang about his neck, and that he will drowned in the depth of the sea. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Woe unto the world because of offenses. For it must need be that offenses come. But woe to that man by whom the offense cometh. Please, you children of Christ, hate to offend one another. Hasst einander zum Anstoß zu werden. And be fast to say sorry. Und seid bitte schnell darin, euch zu entschuldigen. If you once you realize it, please. Wenn ihr das merkt, dass ihr ein Anstoß geworden seid. Amen. Praise the Lord. Verset 7 nous dit, malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, c'est pour cela aussi que je vous dis aussi, vous les enfants de Dieu, entre vous, si tu vois que tu as scandalisé ta soeur ou bien ton frère, soyez vraiment très vite à dire pardon, à vous pardonner l'un et l'autre. Here is not talking about unbelievers alone, but also believers. Nicht nur Ungläubige, Ungläubige untereinander, sondern auch Ungläubige untereinander. Parce que verset 6, quand il dit que mais c'est lui qui scandalise un de ses petits enfants a un problème. Et il parle pas seulement des gens de ce monde, il parle aussi des enfants de Dieu entre eux. Actually, here should not even be our motivation to be, you know, not to offend one another. Eigentlich sollte Christ's love should be our motivation. Because if here is your motivation, you are under law. I don't know if somebody is getting it. Eigentlich sollte das noch nicht mal die Motivation sein, weshalb wir einander nicht zum Anstoß sein wollen. Unsere Motivation sollte eigentlich die Liebe von Christus sein. Aber wenn das hier, diese Angst vor Bestrafung, vor ich werd ins Wasser gestürzt, wenn das deine Angst ist, weshalb du dann Leute nicht zum Anstoß wirst, lebst du unter dem Gesetz, unter Angst. Donc ce passage ici, ça ne doit même pas être une motivation pour nous les enfants de Dieu qui vivent dans la vérité. Parce que sinon tu es dans la loi, parce que tu le fais, tu aimes ton frère et ta sœur seulement parce que tu ne veux pas que l'Éternel puisse, avoir un chagrin à cause de toi. Non, ça tu es dans la loi. Normalement, étant un enfant de Dieu, tu portes l'amour et tu dois aimer les autres. Amen. Remember our message, grace. Rappelle-toi de notre message. Normalement, c'est la grâce et la loi et la grâce et la foi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I said, baby, if here is your motivation, but as once you are an adult, if you have grown up, if you are matured in Christ, you should never be here under fear. Mm-hmm. But under what kind of love? Wenn du noch ein Baby in Christus bist, neu in Christus ist, dann kann es vielleicht sein, dass das noch deine Motivation ist, weshalb du nicht zum Anstoß werden willst. Aber wenn du reif geworden bist in Christus Jesus, sollst du es besser wissen, dass du es aus der Liebe von Christus nicht willst. Donc, si tu as un bébé en Christ, oui, ça peut être ta motivation. Mais si tu es vraiment un âgé en Christ, que tu connais le Christ, tu as vraiment la vérité, tu es mature, là, c'est l'amour de l'Éternel qui est ta motivation et pas la loi. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8. He said, wherefore, if your hand or your foot offend thee, cut them off, and cast them from thee. It is better for thee to enter into life, hap or maid, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. Verse 9. Praise the Lord. Hallelujah. And if your eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee. It is better for thee to enter. You know, Jesus is talking about your, even your body. Your, that is so close to you. Amen. That you need so much. That without it, you know how the world will make fun of you. How you will be seen. Are you getting it? Well, Jesus can talk about this. I don't know about whatever. He will say, allow it to be the obstacle. That will keep you away from me. Wenn Jesus hier sogar zu deinen eigenen Körperteilen sozusagen sagt, dass du sie entfernen sollst, selbst wenn das schmerzhaft ist, selbst wenn du dann vielleicht verspottet wirst, weil du dann nur noch einen Arm hast beispielsweise, nur noch ein Auge, wie krass muss er dann diesen Anstoß hassen? Wie krass sagt er dann, dass alles, was dir in diesem Weg steht, diesen Anstoß zu bekommen, loswerden sollst. Wie groß ist dann diese Bedeutung davon? Et verset 8, par exemple, dit ici, si ta main ou ton pied est une, est pour toi une occasion de chute, coupe-le, jette-le. Donc, ça signifie que s'il est capable à te dire de couper quelque chose qui est dans ton corps, par exemple, qui fait partie, qui est vraiment important pour un membre de ton corps, donc ça fait voir que il va jamais tolérer, il va jamais accepter que quelque chose autre puisse être un obstacle pour lui, pour que rien d'autre peut, qu'il va jamais accepter que quelque chose puisse être une occasion de chute pour toi. The closer to you is your body. Das nächste, was hier ist, ist dein Körper. Parce que la chose qui est plus proche pour toi, c'est ton corps. They are closer to you than any parent. Das ist dir näher als ein Elternteil. Ton corps est plus proche que tes parents, par exemple. If Jesus can say, take them out. Wenn Jesus das sagen kann, take anything out. Nimm das weg von dir, dann kann er das zu allem anderen auch sagen. Mais si Dieu est capable, si Jésus-Christ est capable de dire que si ton pied, un membre de ton corps est une occasion de chute, que tu dois le couper et le jeter loin de toi, à plus forte raison, il va vouloir aussi que tu puisses jeter et mettre loin de toi des personnes qui sont, oui, qui ne sont pas de lui. Because two wrongs can never make a right. Mm-hmm. Wenn zwei Leute falsch liegen, dann ist das nicht richtig. If you join them, they are already wrong. If you join them, can never make it right. Wenn du sie in ihrer Ungerechtigkeit unterstützt, wird es nicht Gerechtigkeit hervorbringen. Parce que si tu es en train de rejoindre quelqu'un qui est dans le tort, ça va pas, tu ne seras pas dans la justice de l'Éternel, parce que toi aussi tu seras dans le tort. They are already wrong by disobeying the voice of God, hating the truth. Sie sind schon der Falschheit, weil sie der Stimme von Christus Jesus nicht gehorchen. Ces gens-là sont dans le tort parce qu'ils sont en train de rejeter la voix de l'Éternel. Ils ne veulent pas accepter, obéir à la parole de l'Éternel. It's all about them and never Christ. Es geht nur sie und nicht Christus. Et parce qu'il ne s'agit que de eux et il ne s'agit jamais du Christ. Praise the Lord. Amen. Verse 10. He said, take heed that you despise not one of these little ones. Remember where we have come from. Amen. Praise the Lord. Prenez garde et méprisez aucun de ces petits. Rappelez-vous d'où on vient. Praise the Lord. One of these little ones. Un de ces petits. Il parle de un de ces petits. Amen. Take heed that you despise not one of these little ones. For I say unto you that in heaven There are angels who always behold the face of my Father, which is in heaven. It's talking about you and me. We have our angels. Verset 10, il dit, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc ça signifie que ce sont des anges qui sont en train de veiller pour nous. You know, from 11, we talked about how he values you. Ab 11, redet er über, wie sehr er uns wertschätzt. Et de verset 11, il parle de comment il nous apprécie. Praise the Lord. Alleluia. Go to Acts again, please. Acts 4. Apostelgeschichte 4. On va lire Actes Apôtres 4, oui. Verse 32 again. Verset 32 encore. And the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. I see that in this ministry so much. Là, c'est une vraie Gemeinde so sehr. Donc verset 32, mais tout était en commun entre eux, et ça je le vois dans cette église. The Lord always reminds me of this very place. Der Herr erinnert mich immer wieder an diese Stelle. L'Éternel me rappelle toujours dans ce passage. Concerning your children. Concernant vous les enfants. Amen. Amen. He always reminds me of here. Oh, erinnert mich immer wieder an diese Stelle. Before I take decision. Bevor ich Entscheidungen treffe. Avant que je puisse prendre une décision, l'Éternel me rappelle toujours ce passage de ce passage. Amen. Amen. Sometimes the flesh you want me to. Once I remember here, I just say go for it. Manchmal will das Fleisch mich dazu bringen, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, aber wenn ich das mich an diese Stelle erinnere, dann sagt der Heilige Geist, mach weiter. Quand je me rappelle, par exemple, quand je suis dans la chair ou bien quelque chose me provoque et je veux prendre une décision, mais le Saint-Esprit me rappelle toujours dans ce passage et je me rabaisse. Verse 33. Verset 33. And with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus. The resurrection. Amen. La résurrection. And great grace was upon them all. Great grace. Große it was not by prayer. Nicht durch Gebet. Because they were one in spirit. Amen. A one in soul. Sondern eins, weil sie eins im Geist und Seele waren, wegen Einheit. The Lord valued that unity so much. Amen. Avec beaucoup de force, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Sauveur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous. Mais cette grâce venait seulement parce qu'ils étaient un en Christ. Ils avaient une unité en Christ. Ce n'était pas à travers des prières ou bien de jeûnes de prière. Non, parce qu'ils étaient un en Christ. L'Éternel est en train de valoriser cette unité. Praise the Lord. Alleluia. You can see how he valued that unity. Ihr seht, wie er diese Einheit wertschätzt. To be one in him. Eins in ihm zu sein. Tu peux voir comment l'Éternel est en train de valoriser l'unité d'être un en lui. Praise the Lord. Alléluia. Said neither was there any among them that lacked. No one lacked. Et puis il a dit qu'il n'y avait aucun d'entre ces enfants-là qui en manquait quelque chose. You know, I see that here today. Et je le vois ici aujourd'hui. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. For as many as we are possessor of lands or houses, sold them and brought the prices of the things that we are sold. They sold their properties. Et on a porté les prix aux pieds des apôtres, on les distribuait ensuite à chacun selon ses besoins. Donc ils étaient en train de vendre les histoires aussi pour céder l'un à l'autre. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Mm. We sold things today. Our pride. Unseren Stolz verkaufen wir. Et nous aussi aujourd'hui on est en train de vendre tout. On est en train de vendre notre orgueil. You know, I've heard somebody said we will never borrow. Ich habe gehört, dass jemand mal gesagt hat, he was so proud of er würde niemals sich etwas ausleihen. So und diese Person hat das so stolz gesagt. Et j'ai écouté quelqu'un dire que ben moi je veux jamais prendre prendre un crédit des histoires comme ça parce que je voyais comment la personne le disait avec orgueil. Amen. Amen. You know, well, there was a time a man came here to work for us. He came to paint the front of our house. And as we were going to buy things in one of these Baumarkts, what do you call it? We had to buy things, the stores. Then we took his own car. I was there with him. And he was saying, he said he's so happy, so proud that he is not owing any man. That even this car he bought, he just started talking. Then I said to him, I said, I'm so proud that I hate Satan and I love Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, we should be fast to give them answer. Amen. But I just said, I don't hate Satan. Are you getting it? But because he was so busy of himself. His pride was his own no man. Even his house rent, he was a rent. His house rent, owing no man. He's not saving to have his own house. What he hate most, his credit. He was busy. Then I said, I hate one thing, and that's Satan. Mm-hmm. And I love one thing, and that's Christ Jesus. Mm-hmm. Amen. Ja, vor ein paar Jahren, als hier jemand für uns unsere Hausfront gestrichen hat, bin ich mit der Person zum Baumarkt gefahren, weil wir uns doch einige Sachen gefehlt haben. Wir saßen halt in seinem Auto und er fing an halt stolz darüber zu erzählen, dass er niemandem etwas schuldet, dass selbst dieses Auto, was er fährt, sein eigenes ist, dass er der Bank nichts schuldet, niemandem etwas schuldet, seine Miete vernünftig bezahlt und sogar Geld zurücklegt, um jetzt irgendwann ein eigenes Haus kaufen zu können. Und er hat es so stolz und prahlig erzählt und ich habe zugehört und ihm gesagt, es gibt eine Sache, die ich hasse und das ist, worauf ich stolz bin, dass ich sie hasse und das ist der Satan. Es gibt eine Sache, die ich so sehr liebe und das ist Jesus Christus. Wir sollten schnell daran sein, mit Christus Jesus zu kontern. Donc, en fait, j'ai parlé avec un homme qui me disait que je déteste emprunter des histoires, emprunter de l'argent. Ou même, il était vraiment très fier quand il disait que je suis en train d'épargner pour acheter ma propre maison. Il était vraiment très fier de lui. Et moi, je me suis dit, je lui ai regardé, j'ai dit que moi, je suis fier que je déteste le diable et je suis fier que j'aime l'Éternel. Et donc, on doit être vraiment vite à répondre les gens. On doit être vite à répondre les gens selon l'esprit. Parce que lui, il m'a regardé et il s'est demandé des questions. Mais moi, je dis la vérité quand je dis que je déteste le diable pendant que lui, il déteste s'emprunter de l'argent ou bien avoir des dettes. You know, this man look, it sound like me when I was in the flesh. Dieser Mann hat sich wie mein Fleisch angehört. Et cet homme, il me ressemblait quand j'étais dans la chair. Donc c'est mon ancienne personne était comme cet homme. But I thank the Lord Jesus today that there's nothing I can only forgive. Amen. Ich danke dem Herrn Jesus, dass es nichts gibt, was ich nicht für ihn zurücklassen kann. Mais je remercie l'Éternel parce qu'il y a rien que je ne peux jamais laisser derrière moi pour l'Éternel. Praise the Lord. Amen. Amen. They sold things and brought them to the apostle. Sie haben Dinge verkauft und es den Aposteln zu Füßen gelegt. Et ils ont vendu des histoires et ils ont donné aux apôtres. Amen. Verse 35 said, and laid them down at the apostles' feet. And distribution was made unto every man according as he had need. Praise the Lord. I will come to this maybe later. Amen. Amen. Verse 36. 36. And Joseph, who by the apostle was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land sold it and brought the money. And laid it at the apostles' feet. Praise the Lord. Amen. You know, if people do this today, and the news, you know, they say maybe there is the only land that man has in his life. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. No, if you do it because of, you are going for Ulo, holiday, in Mallorca or wherever, you know, Las Vegas, whatever. You know, people say, you just don't want to enjoy herself. But do it for Christ Jesus. Mm-hmm. And see the condemnation today. Mm-hmm. You condemn the pastor mm-hmm. to death. Mm-hmm. Amen. They condemn the church to death. Genau. Und wenn wir das hier so lesen, was hier diese Leute gemacht haben, würden die Leute sagen, boah, wenn die Leute heutzutage das verurteilen und sagen, krass, wie kann ein Pastor sowas annehmen? Vielleicht ist es das einzige Land, was dieser Mensch hat. Wie kann dieser Pastor Leute einfach so ausnehmen? Was soll das eigentlich? Sollte der doch Leuten was geben, anstatt umgekehrt? Und aber auf der anderen Seite, wenn Leute ihre sozusagen alles, was sie haben, in einen Urlaub reinschmeißen, da verurteilt sie niemand, sondern da werden Bilder geliked, da werden Leute eher beneidet. Man will auch sowas machen. Aber wenn es um Christus geht, da will niemand irgendetwas hergeben. Hochzeiten. Oder Hochzeiten. Wo Menschen sich dann auch bis auf die Knochen verschulden und während und sich dann scheiden, während ihrer Scheidung immer noch ihre Hochzeits abzahlen müssen. Par exemple, il y a aussi des cas où les gens, par exemple, sont en train de épargner ou bien de prendre leur argent pour faire des fêtes, des mariages pompeuses ou bien de partir dans des vacances vraiment qui sont chères ou bien acheter des histoires. Et il y a tout le monde, ils font des photos, il y a tout le monde qui est en train de dire que oui, on est vraiment fiers de vous parce que vous dépensez beaucoup d'argent pour réaliser vos rêves. Mais si quelqu'un le fait maintenant, prend tout cet argent-là qu'il avait pour une fête ou je sais pas quoi, donne ça à l'église, on va dire qu'on va commencer à condamner le pasteur et on va dire que mais quel type de pasteur, comment ce pasteur est capable de prendre beaucoup d'argent comme ça. You know, people borrow everywhere, every day, all the time, because of the flesh. Leute leihen sich ständig Geld wegen dem Fleisch, für das Fleisch. Les gens sont toujours en train de s'emprunter de l'argent pour la chair. Amen. Mm-hmm. Even if it's because of your brother, sisters, mother, whoever, because they are in the hospital. You know, in Nigeria, it's very common. Somebody is in the hospital, you want to pay the hospital bills. Amen. Mm-hmm. And they go and borrow. Amen. Mm-hmm. Well, it's all about flesh. And not Christ Jesus. Auch Nigeria ist es üblich, dass man Geld zusammenschmeißt, weil irgendjemand im Krankenhaus ist. Und also, das ist normal, dass diese Leute dann alles geben, was sie haben. Was ist aus dem Gesetz heraus, agieren diese Menschen, nicht aus Christus. Et ici, on voit aussi, par exemple, même au Nigeria, les gens sont capables de s'emprunter de l'argent pour la chair, pour les parents, pour traiter quelqu'un à l'hôpital. Mais tout ça, c'est la chair. You know, remember, somebody was here giving, testimony, was it a year ago or 2 years ago, that the brother wanted to marry concerning... You know, one of us, the mother, you remember? Mm-hmm. Uh-huh. Want to marry the Kuna, was sick, somebody was sick. So she is the one that was not able to give them that money for the flesh sake. Mm-hmm. I've done it before, mm-hmm. But they are all law. You are under law. Mm-hmm. It was not about Christ Jesus. Mm-hmm. It was all about natural blood relationship. Mm-hmm. And it's dead. Yeah. Und genau, auch hier in dieser Gemeinde gab es jemanden, der auch schon mal so ein Zeugnis gegeben hat und erzählt hat, wie er seiner Familie helfen konnte aus der Krise und Geld gegeben hat, obwohl niemand in der Familie Geld geben konnte. Und ich habe früher auch über diese Dinge geprahlt und sie erzählt und mich damit gebrüstet, aber es ist alles Fleisch, es ist alles vergeblich. Et avant, par exemple, j'ai eu aussi une dame qui était ici à l'église aussi qui disait que oui, elle a donné son témoignage que quelqu'un de la famille, son frère a eu besoin de l'argent et elle était maintenant capable de soutenir la famille avec cet argent. C'était son témoignage et ça aussi, c'est aussi une chose charnelle. Moi aussi, j'étais comme ça avant. Amen. Amen. I know the natural blood family, they will never like this message. Ich weiß, die natürliche Blutfamilie, diese Botschaft wird ihnen nicht gefallen. Et je sais que la famille naturelle va jamais aimer ce message. Because it's all about them and never Christ Jesus. Parce qu'il s'agit que d'eux, il s'agit jamais de Jésus-Christ. Allow it to be Christ Jesus. He will take care of you. Lass zu, dass es Christus Jesus ist. Er wird auf dich acht geben. Tu dois vouloir que ça doit vraiment être de Jésus-Christ parce que c'est lui qui va prendre soin de toi. It's not man that should take care of you. Nicht der Mensch sollte auf dich acht geben, nicht der Mensch sollte dein Versorger sein. Donc il y a pas une personne qui doit il y a jamais aucune personne doit être la personne qui est responsable pour toi. C'est l'Éternel qui doit être responsable. It's not your children, your parents that are to take care of you, but Christ Jesus. He said, come unto me, all you that labor. Und dann er sagt, kommt her zu mir, all die ihr mühselig beladen seid. Donc l'Éternel dit que venez vers moi, vous qui êtes vraiment fatigués, et c'est lui qui va nous soutenir. You know, people look for the flesh to to be there for them. Well, allow the Spirit. Allow Christ Jesus alone. See Christ Jesus. Schau auf Christus Jesus allein. Tu dois seulement voir Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Amen. We thank Jesus that we are not like these two people here. In chapter 5. Wir nicht so diese zwei Leute sind hier wie in Kapitel 5. Et je remercie l'Éternel parce que nous ne sommes pas comme ces gens ici à chapitre 5. Amen. Mm-hmm. From verse 1, please. Verset 1. But a certain man named Ananias and Sapphira, his wife, sold a possession. Amen. Mm-hmm. And kept back part of the price. His wife also being privy to it. And brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own power? Where has thou conceived this thing in your heart? You know, your heart, our heart is a womb. Our heart is a womb. Unser Herz ist ein conceive Schoß. In your heart before you give birth. In unserem Herzen gebären wir, bevor wir dann dieses, das, was in unserem Herzen ist, austragen. Donc notre cœur, on doit s'imaginer que notre cœur est comme un pot qui est en train de concevoir quelque chose avant de faire sortir quelque chose. With all this natural sin, you are contient quelque you chose. You are giving birth to what you conceive. All the natural sins. Are you getting the natural sin? Gebären das, was wir sozusagen eingenommen haben, empfangen haben. Et tout le monde est en train de donner naissance à ce qu'il a conçu dans son cœur. He said that had not lied unto men, but unto God. Mm-hmm. Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. And great fear came on all them that heard these things. Verse 6. And the young men arose, wound him up, and carried him out and buried him. And it was about the space of 3 hours after, when his wife, Lovey, not knowing what was done, came in. Praise the Lord. Hallelujah. I must be one with my husband. Ich muss eins, no matter what. Diese Mentalität von ich muss eins sein mit meinem Ehemann, egal was ist. Sei aber lieber eins mit Christus Jesus. Donc avec, dans, Amen. Pardon. Praise the Lord. Donc dans cette histoire avec Ananias et Sapphira, tu vois que même l'apôtre Paul a dit que mais pourquoi tu as menti? Tu as menti, tu as décidé de mentir au Saint-Esprit parce que tu voulais être un avec ton mari. I thank Jesus for this family. Thank you for the family. Je remercie l'Éternel pour cette famille. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. None of us is like that. Niemand ist hier so, amen. Parce qu'il y a personne qui est comme ça. Amen. Amen. And Peter answered unto her, tell me whether you sold the land for so much. And she said, yea, for so much. Then Peter said unto her, how is it that you have agreed together to tame the spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried your husband are at the door and shall carry thee out. Then fell she down straight away at his feet and yielded up the ghost. And the young men came in and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. And great fear came upon the church and upon as many as heard these things. And the hand of the apostle were many signs and wonders wrought among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. Verse 13. And of the rest doth no man join himself to them, but the people magnified them. And believers were the more added to the Lord, multitude both of men and women, insomuch that they brought forth Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, there are lots of things there. Please let it be your homework. Das ist eure Hausaufgabe. Amen. Donc, Actes des Apôtres 5 doit être votre devoir. Amen. Verbringt bitte Zeit, das zu lesen. Vous devrez vraiment le lire à la maison. Praise the Lord. Hallelujah. Our being there for Christ Jesus to be under grace and not under law. Für Christus Jesus da zu sein sollte unter der Gnade passieren, nicht im Gesetz. Quand on est là pour l'éternel, ça doit être dans la pardon. Quand on est là pour l'éternel, ça doit être dans la grâce et pas dans la loi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to 2 Corinthians 9. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. 6 and 7. 6 und 7. 6 et 9. Praise the Lord. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. It's talking about sowing under law and sowing under grace. Es geht um das Sehen unter der Gnade und das Sehen im in der im Gesetz. 2 Korinther 8 ist das, ne? 6. 2 Corinthiens 9, verset 6, il dit que, je vous le dis, celui qui sème, puis moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, il s'agit de la semence. Verset 7. Every man according as he possesses in his heart. So let him give, not grudgingly, or of necessity. Amen. Amen. Under law. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, for God loved a cheerful giver. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He loved to see you giving under grace. Er liebt es zu sehen, dass ihr in der Gnade gibt. Amen. 2 Corinthiens 9, verset 7, il dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Allow his love to constrain you. Lass zu, dass seine Liebe euch sozusagen befähigt, euch antreibt, einander zu lieben. Donc, vous devrez permettre que son amour vous encourage à s'aimer l'un et l'autre. Amen. A cheerful giver is somebody that the love of Christ constrains him to do everything. How Christ loving is what he meditates on both day and night. That move him, that motivate him to be there for Christ. Amen. Ein fröhlicher Geber wird von der Liebe von Jesus Christus angetrieben zu geben, deswegen tut er es in Freude. La personne Dieu aime celui qui donne avec joie. La personne qui donne avec joie, c'est la personne qui est toujours en train de méditer de l'amour de Jésus-Christ envers lui. Et ça, c'est quand tu médites dans l'amour de Jésus-Christ envers toi, c'est ça qui te donne le courage de continuer en lui. 2 Corinthiens 5, please. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. 5 vers 14. 2 Corinthiens 5 verset 14. He said, for the love of Christ constraineth us. Amen. Amen. The love of Christ should be what moves us, what motivates us to be there for God's children. How the Lord loves. Füreinander da zu sein in Christus. Verset 14. Car l'amour du Christ nous presse, nous persuade comme nous le sommes. Et c'est l'amour de Jésus-Christ qui doit nous motiver à s'aimer l'un vers l'autre. Amen. Amen. That's what is, you know, that's grace. Et ça, c'est la grâce. Amen. You know, it's not your, if you don't give, if you are not there for Christ Jesus, he will send, God will send you to the hospital. Or Satan will fight you. Or Satan will defeat you. Or you will not have what you want. You know, in Nigeria especially, they give a lot. But it's under necessity. It's, you know, it's under law. And that is why nothing is working. Und es ist nicht, dass du dann you give your body to be burnt, it profits you nothing. Genau, wenn du deinen Körper herhubst, damit er verbrannt wird, deinen guten Zweck bringt es dir nicht, weil es nicht in Christus passiert. Ne? Besonders in Nigeria, Leute tun Dinge für Kinder Gottes oder für Gott, weil sie entweder Angst haben vor Bestrafung oder Angst haben vor Mangel. Sie haben Angst, dass sie dann nicht die Ehe bekommen, die sie sich wünschen, nicht die Kinder bekommen, die sie sich wünschen. oder nicht das Haus oder das Auto, sonstige Sachen nicht bekommen, wenn sie nicht Liebe zeigen, wenn sie nicht gnädig sind, wenn sie nicht vergeben. Sie sind von Angst und Gesetz beherrscht, aber nicht von der Liebe von Christus Jesus. Et par exemple, en Afrique, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent, dans des offrandes, mais ils le donnent ça seulement par nécessité, parce qu'ils se disent que ben, moi j'ai vraiment envie d'avoir une femme ou bien d'avoir de l'argent, c'est pour cela que je donne, comme ça l'Éternel va me donner. Non, ça tu donnes dans la joie, tu ne donnes avec la peur, tu donnes avec parce que ton motif est de recevoir, c'est pas que tu le donnes avec la joie, tu ne donnes pas ça dans la grâce. Donc il faut savoir qu'il y a vraiment une grande différence entre donner dans la grâce et donner dans la loi. Et en Afrique, les choses ne marchent jamais et parce que eux ils donnent beaucoup, mais ils donnent dans la loi. Praise the Lord. How much you love him should be your motivation and not how much, sorry, the other way. How much he loves you should be your motivation and not how much you love him. Also sehr, die Menge an Liebe, die er für dich hat, sollte eine Motivation sein, zu geben und zu tun, und nicht die Menge an Liebe, die du für ihn hast. Donc ta motivation doit être la manière laquelle l'Éternel t'aime, donc son amour envers toi, ça doit te motiver, et pas que ta motivation ne doit jamais être ton amour envers lui, parce que son amour envers toi est plus grand que ton amour envers lui, et c'est pour cela ça doit te motiver le fait qu'il t'aime en fait. Amen. I say it again. Allah is love for you to be your motivation and not your love for him. Seine Liebe für dich sollte deine Motivation sein und nicht deine Liebe für ihn. Donc permet que son amour envers toi puisse être ta motivation et pas ton amour envers lui. Amen. And that is grace. Und das ist Gnade. Et ça c'est la grâce. Amen. Amen. In 1 John 4:16. 1 Johannes 4:16. 1 Jean 4:16. 1 Jean 4:16. He said he is his own love. Er ist seine eigene Liebe. Il a dit que lui il est son propre amour. Amen. Let us go there, please. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean 4. 1 Johannes 4:16. 1 Jean 4:16. Praise the Lord. Amen. And we know, and we have known, and believe the love that God has to us. We have known. Wir haben die Liebe erkannt. Are you getting it? Mm. Amen. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous. And believe the love that God has for us. God is love. And he that dwelleth in love dwelleth in God. And God in him. He's talking about what kind of love. Es geht um Gottes Liebe. And not what man call love. Nicht, was der Mensch Liebe nennt. Il dit ici il parle de l'amour de l'Éternel et pas ce que le monde appelle amour. Il dit que Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. He is his own love. Er ist seine eigene God Liebe. Is love. Amen. Dieu est amour. Dieu, il est son propre amour. Amen. He is the true love and not evil love. Er ist die wahrhaftige Liebe und nicht die bösartige Liebe. Il est l'amour véritable et pas une mauvaise amour. Amen. There is the evil love. Es gibt eine bösartige Liebe. Parce qu'il existe un amour mauvais. Which is the love of this world. Die Liebe dieser Welt ist. L'amour qui est mauvais est l'amour de ce monde. And the love outside Christ is an evil love. Jede Liebe außerhalb von Christus Jesus ist eine bösartige Liebe. Chaque amour qui est en dehors du Christ est un amour qui est mauvais. Any love that is not based on the finished work of Christ is an evil love. Jede Liebe, die nicht auf das fertige Werk von Jesus Christus basiert, ist eine bösartige Liebe. Chaque amour qui n'est pas basé dans l'œuvre accomplie de Jésus Christ est un amour qui est mauvais. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 John 3. 1 Johannes 3. 1 Jean 3. Verset 11 à 14. He said, well, this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another, Amen. We should love one another. That's the message from the beginning. Das ist die Botschaft, die wir von Anfang an gehört haben. Car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que vous aimez, que nous nous aimions l'un et les autres. Amen. Not with what my color, but what Christ color. Diese Weltliebe nennt und das, was Christus Jesus Liebe nennt. Mais il s'agit pas de la définition de l'amour selon ce monde, mais il s'agit de la définition de l'amour selon Jésus Christ. And now explain what my color from verse 12. Et dann Vers 12 erklärt, was der Mensch Liebe nennt. Et verset 12, il explique c'est que l'être humain appelle amour. Are you getting it? Is it not as Cain, who was of that wicked one, as slew his brother? Nicht wie Cain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Non point comme Cain, qui était du malin et qui a tué son, qui tua son, son frère. And wherefore slew he him? Because his own works were evil and his brother's righteous. Marvel not, my brethren, if the world hates you. We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people read here, but one thing you have to know that is talking about God kind of love. And not what my color. Aber sie verstehen nicht, dass um das, was das um die Liebe von Christus Jesus geht und nicht um die Liebe dieser Welt. Et ici il dit que celui qui n'aime pas, il a dit que parce que nous aimions nos frères, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Mais ici, c'est important de comprendre que il parle de la manière de l'amour de l'Éternel, pas l'amour selon ce monde. Amen. Love under grace and not love under law. Liebe in der Gnade und nicht Liebe im Gesetz. Donc l'amour dans la grâce et pas l'amour dans la loi. The love of this world is based on law. Die Liebe dieser Welt ist nämlich basierend auf dem Gesetz. L'amour de ce monde, c'est toujours basé sur la loi. It's based on what people do. Es basiert auf dem, was Leute tun. Elle est toujours basée sur ce que les gens sont en train de faire. Are you getting it? Praise the Lord. Yeah. God kind of love is based on the finished work of Christ for us today. Aber Gottes Liebe basiert auf dem fertigen Werk von Christus Jesus. Mais l'amour de l'Éternel, c'est basé sur son œuvre accomplie pour nous aujourd'hui. Again, any love without Christ is an evil love. Jede Liebe ohne Christus Jesus ist eine bösartige Liebe. Donc chaque amour qui est en dehors du Christ, c'est un amour vraiment mauvais. It is like correction. C'est comme une belehrung. C'est tout comme la correction. If you remember Hebrew 12. Hebrew 12. 10, Hebrew 12. Verse 9 and 10. Verset 9 et 11. It talks about two types of correction. Geht es um zwei Arten von Belehrung. Là, il parle de deux sortes de correction. Praise the Lord. Hallelujah. One correction of the flesh and one of Christ Jesus. Eine Belehrung aus dem Fleisch. Let's go there. Christus Jesus. Donc, il y a une correction de du Christ et de l'amour et l'autre de la chair. Hébreux 12. Hébreux 12. Verse 9 and 10. 9 et 10. Praise the Lord. Hallelujah. He said, furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirit and live? For they verily, for a few days, chastened us after their own pleasure. It's all about them. Diese Belehrung basiert nur auf ihr eigenes Selbst. Hébreux 12, verset 9 à 10, ici il parle d'une la première correction, il s'agit que c'est que une correction qui s'agit que de toi-même, d'eux-mêmes, de leur chair, selon leur chair. Il y a motif. Es geht um ihr motif. Donc de leur motif, basé sur leur motif. Their agenda. Ihr Plan dahinter. Donc leur correction, c'était toujours à travers leur plan. He said, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Can see two different types of correction. So also two different types of love here on earth. Christ, God kind of love, and what this world call love, which is evil love. Genauso gibt es auch die zwei Arten von Liebe, die Liebe von dieser Welt, Liebe von Jesus Christus. Et puis, dans le même verset, il nous fait voir qu'il y a encore une autre correction qui vient de lui, qui vient de Dieu, qui vient, qui est selon sa volonté dans la grâce. Et comme ça, comme, tout comme il y a une correction dans la chair et dans la grâce, dans la loi et dans la grâce, c'est comme ça aussi qu'il y a aussi une correction, un amour dans la grâce et aussi dans la loi. So now it's so wonderful to come to the light. Es ist wundervoll, zum Licht zu kommen. Donc, vous devrez savoir, c'est merveilleux de venir dans la lumière. Remember, Jesus said he is the light. Jesus sagt, er ist das Licht. Jésus-Christ a dit qu'il est la lumière. Amen. Mm-hmm. Until you come to him, you can never see. Et wenn wir zu ihm kommen, können wir sehen. Donc, c'est seulement quand tu viens vers lui que tu es capable de voir. Amen. Mm-hmm. You know, this kind, you know, the love of this world. The love that husband love wife, or wife love husband, parents love children. Die zwischen Eltern according to the Bible, according to Christ, is an evil law. Die zwischen Ehe because the absent of Christ is gemäß Christus eine bösartige Liebe, weil Christus daran nicht zu finden ist. Donc l'amour de ce monde, l'amour amoureuse entre un homme et une femme, s'ils ne sont pas dans la lumière, s'ils n'ont pas le Christ, ils ne connaissent pas l'Éternel. L'Éternel dit que c'est une mauvaise amour parce que cet amour est fait dans l'absence du Christ. No matter how husband and wife can love each other. Egal wie sehr sich Ehe no matter lieben, the love. Egal wie groß diese Liebe anscheinend ist. Amen. It is an evil love. Es ist eine bösartige Liebe. Jesus. Ohne Christus Amen. Jesus. Peu importe comment un homme et une femme s'aiment vraiment, même ils s'aiment à la mort vraiment comme ça là. Donc sans le Christ dedans, c'est une amour vraiment mauvaise. If ever they give themselves to be burned for one another, selbst wenn sie sich füreinander opfern, sich füreinander verbrennen lassen, das nützt ihnen nichts. Même s'ils s'aiment si fort qu'ils ont commencé à se sacrifier l'un pour l'autre, comme Roméo et Julia par exemple, là, ça ne sert à rien parce que le Christ n'est pas dedans. Pourquoi vous le faites? Amen. Amen. If children die for parents, if parents die for children, it profit them nothing. Wenn Kinder für Eltern sterben, Eltern für Kinder, nützt es ihnen nichts, weil es ohne Christus ist. Et tout comme l'amour envers les parents et les enfants, si des parents sont en train de se sacrifier pour les enfants, ou bien mourir, mais au point de mourir pour leurs enfants, si le Christ n'est pas dedans, ça ne sert à rien. That's 1 Corinthians 13. Ça c'est 1 Corinthiens 13 qui nous le dit. John 3:16 says for God so loved the world. Johannes 3:16 lesen wir, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. Jean 3 verset 16 nous dit que Dieu a tellement aimé le monde. It's not because the world loved him. Nicht weil die Welt ihn liebt. Il n'a pas dit parce que le monde actually, they hate him. Lui, il a aimé le monde, mais le monde a détesté l'Éternel. But in spite of the hatred, for God so loved the world. Mais trotz dieses Hasses liebte die Welt dennoch. Malgré le monde a vraiment détesté lui, il aimait le monde. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. For God so loved the world. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Dieu a tellement aimé le monde. It's not because the world is good. Nicht weil die Welt gut ist. Mais pas parce que le monde était bien. In spite of their evil, trotz ihres Bösen, he still loved hat er sie dennoch geliebt. Malgré le monde était vraiment très mauvais, démoniaque, lui, il a continué à aimer le monde. Praise the Lord. Amen. That's how we love them today. Und so lieben wir sie auch heute. Et c'est comme ça que nous aussi on aime les gens aujourd'hui. Pray for them. Deswegen können wir immer noch für sie beten. Et c'est pour cela on prie pour eux. To have the greatest thing on earth. Das größte auf Erden zu haben. Christus Jesus. On prie pour eux afin de connaître l'Éternel qui est Jésus-Christ. Praise the Lord. Le grand cadeau. You know, naturally, if a child is not good to his father, to his parents, according to what man call good. Natürlich gesehen, wenn ein Kind nicht gut nach dem Standard dieser Welt zu seinem Vater ist, zu seiner Mutter ist. Naturellement, si les enfants sont pas bien envers leurs parents, selon le standard de ce monde. The father or the mother will not love that child. Wird der Vater oder die Mutter dieses Kind nicht mehr lieben. Mm-hmm. Donc les parents seront aussi si tristes qu'ils vont même plus aimer cet enfant. Romans 5, please. Romains 5. Praise the Lord. Amen. Amen. Romans 5, verse 8. Romains 5, verse 8. Romains 5, verset 8. He said that God commended his love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mm. Mais Dieu montre son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore les pécheurs. Donc c'est ça son amour. Praise the Lord. Hallelujah. The blood of Christ, das the Blut God's Christus, blood, Gottes Blut, was shed for us. Wurde für uns vergossen. Le sang de Jésus-Christ a été partagé pour nous. The worst, the greatest man can do for you is that they share their own blood. That is human's blood. That is flesh. Amen. But not God's blood. Das Größte, was ein Mensch für dich tun kann, ist, dass er sein Blut vergießt für dich, aber nicht das Blut für Gottes. La plus grande chose que l'être humain peut faire pour toi est de, oui, de faire couler son propre sang ou bien le sang d'un animal ou bien le propre pour toi, mais n'est pas capable à faire couler le sang d'un Dieu pour toi. You can never compare that of the flesh to that of God. Du kannst das vom Fleisch niemals mit dem von Gott vergleichen. Tu peux jamais comparer le sang de la chair avec celui de l'Éternel. Praise the Lord. De Dieu. On va lire Matthieu 5. Matthieu 5. Matthäus 5. From verse 38. 38. Matthieu 5, verset 38. Amen. It talks about from verse 38. 38. Praise the Lord. Amen. Grace and law. Gnade und Gesetz. La grâce et la loi. Amen. Amen. Talks about grace and law. Geht um Gnade und Gesetz. Il s'agit de la grâce et de la loi. He said, "You have heard that in it has been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth." But I say unto you that you resist not evil, but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also. Felix, can you help us to read verse 40 and 41? Und dem, der mit dir vor Gericht, dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Praise the Lord. Amen. And if any man will sue thee at the law and take away your coat, let him have the cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. You have heard that it has been said, thou shalt love your neighbor and hate your enemy. But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 45. Verse 45. That you may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. For if you love them which love you, you can see that is the system of the world. That's our parents. Mm. Parents love the children because the children obey them. Mm. Eltern lieben die Kinder, weil sie ihnen gehorchen. Et ici, on voit que il dit que si vous aimez ceux qui vous aiment, donc c'est comme la quelle récompense méritez-vous. Donc ici, il parle comme l'amour des parents. Ils aiment les enfants parce que les enfants sont exemplaires. If you love them which love you, what reward have you? Do not even the publicans the same. If you salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Though they hate us, we still pray for them. Obwohl sie uns hassen, beten wir dennoch für sie. Malgré ils nous détestent et ne comprennent pas nous, on continue toujours à prier pour eux. Amen. Amen. Be ye therefore perfect, even as your Father, which is in heaven, is perfect. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Everything of Christ are all different. Alles von Christus ist anders. Tout ce qui est du Christ est différent. Have faith in the finished work of Christ. And not have faith in God. Und hab nicht Glaube an Gott. Faut pas seulement avoir la foi en Dieu. Amen. This period is not have faith in God, but have faith in the finished work of Christ. In dieser Zeit haben wir nicht Glaube an Gott, sondern Glaube an das fertige Werk von Jesus Christus. Dans ce nouveau temps, il s'agit pas d'avoir la foi en Dieu, mais il s'agit d'avoir la foi à l'œuvre accomplie de Jésus Christ. Have faith in God is law. Denn Glaube an Gott ist Gesetz. Quand tu as seulement la foi en Dieu, ça c'est la loi. It is have faith in the finished work of Christ that is grace. Dann Glaube an das fertige Werk von Christus, das ist Gnade. Quand tu as la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, c'est ça que tu es dans la grâce. Amen.